confidentiel, confidentiel. C'est le seul qui s'enjambe à nous. Pas de la vie, pas ça, on s'est laissé ou croisé, pas de gain d'eau. C'est le seul qui s'enjambe à nous supporter. Nous et puis nous n'y pouvons. Chaque fois soleil levé, c'est pour moi, pour vous, pour nous. Oh oh oh. Passé, présent et même jour à venir, me conjugué. Moi, c'est un mère, moi, un mère, moi, qui est un mère. Moi, garde tout ça, chiffre, nous a fait, moi, garde, merci encore. Qu'est-ce qu'il y a en éternité? Pardonne-le, l'embellie la vie pour moi.